Ta tête est plongée dans le noir, tes yeux noyés dans l'ivresse, ta voix se perd dans le brouillard, ton verre se renverse, ta main lourde comme un poids mort, peine à atteindre tes lèvres pour une tasse de cigarette encore trempée. Tu te lèves et la tempête s'abat sur ta tête et tu t'entêtes et elle t'entraîne aux profondeurs de ton âme naufragée, hantée par d'obscures pensées insensées. Une fois debout, tu titubes, tu trébuches, tu bascules et t'effondres. Sur le sombre parterre, tu tombes. La tête la première, quand à demain tu te lèveras, la gueule en vrac, la gueule de bois, et cette terrible averse s'éloignera, et la lueur du jour t'éblouira, et la tempête s'abat sur ta tête, et tu t'entêtes, et elle t'entraîne aux profondeurs de ton âme naufragée, hantée par d'obscures pensées insensées. Et la tempête s'abat sur ta tête, et tu t'entêtes, et elle t'entraîne aux profondeurs de ton âme naufragée, hantée par d'obscures pensées insensées.